Le livre s'ouvre sur une comédie à propos d'une tragédie. Courte pièce en un acte qui se déroule dans un salon. Dans cette pièce, les personnages ironisent sur l'apparition de l'œuvre de Hugo, dont voici en une heure les extraits que j'ai retenus pour vous.